Verbe en IR à l'indicatif présent. Finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. On finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent.